Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la compositrice brésilienne Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga est la première femme à diriger un orchestre au Brésil. Les critiques musicaux sont d'ailleurs bien embêtés de ne pas trouver l'équivalent de maestro au féminin. Notre compositrice devient aussi la première pianiste femme de coro, un genre musical typique du Brésil. Puis elle se rapproche du monde théâtral, encore un milieu où les femmes n'étaient pas les bienvenues, et elle se lance dans l'opérette. De nombreux impresarios refusent son travail car ils craignent qu'une musique composée par une femme ne soit pas d'assez bonne qualité. Mais à force de persévérance, elle s'impose dans ce monde. Ses compositions sont saluées par la presse, par le pays, puis par le monde entier. Aliette Delalleux, la journaliste spécialisée en musique classique à l'antenne de France Musique en mai 2018, Chiquinha Gonzaga reste à ce jour l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la musique au Brésil. Elle a composé 77 musiques d'opérette dans sa carrière, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom d'Offenbach en jupon. Sa musique, qui s'inspire de la musique classique, reste aussi une musique profondément populaire. Sa célèbre marche, O Abre Alas, composée en 1899, reste par exemple l'une des plus chantées aujourd'hui encore au Carnaval de Rio. Pour nous présenter cette musicienne, mais aussi cette femme d'exception, vous allez le voir d'ailleurs tout au cours de l'émission, je reçois ma collègue, journaliste culturelle, animatrice Catherine Veribilli, qui a accepté de participer à cette série d'émissions spéciales où des collègues comme vous, Catherine, des collègues de Radio-Canada, viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, qui les passionnent. Bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place elle occupe, Catherine Veribilli, Chiquinha Gonzaga, pour beaucoup de nos auditeurs, c'est un nom probablement nouveau, mais c'est vraiment au Brésil quelqu'un qui a énormément compté et qui a imprimé la mémoire collective aujourd'hui encore. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, elle est peu connue, il faut le dire. C'est peut-être normal que vous ne la connaissiez pas, mais elle a marqué de différentes façons, entre autres, d'une part, parce qu'elle est compositrice au 19e siècle. Donc, d'être une femme qui compose au 19e siècle, c'est déjà un exploit en soi. Elle pense la musique autrement. Je pense que c'est entre autres pour ça qu'on retient beaucoup son nom. On va y revenir. Elle inclut le peuple brésilien dans sa musique en transcendant les barrières sociales. Et c'est pour ça, entre autres, donc, que les Brésiliens se souviennent d'elle, avec différents exemples qui s'en viennent. Et sinon, c'est une femme libre. Elle est libre dans son cœur, dans son corps, dans sa tête, anti-militaire, anti-bourgeoise, sans mari. Et cette liberté-là se traduit dans sa musique. Et je pense que c'est pour ça aussi beaucoup qu'on l'a adoptée au Brésil. Et quand je vous dis qu'on l'a adoptée, c'est... Je peux même vous dire qu'on ne l'a pas oublié. Le jour de son anniversaire, le 17 octobre, c'est une fête nationale au Brésil. C'est la journée nationale de la musique populaire brésilienne. Et il y a même la télé brésilienne qui s'est intéressée à elle. En 1999, on a fait une série sur sa vie, 30 épisodes de 50 minutes. Oui. Jacques, 30 épisodes de 50 minutes. Je ne l'ai pas vu la série, mais en même temps, on connaît un peu la télé brésilienne. Alors, il y avait un mélange de fiction et de réalité, mais ça vous dit à quel point elle a marqué les esprits. Je peux vous dire, moi, que j'ai été curieux. Je suis allé voir un petit peu. C'est particulier. Ouais. Ça vaut le détour. On va dire ça comme ça. Bref, un très, très beau personnage Et une sacrée musicienne, une compositrice exceptionnelle. Entendre ce qu'on entend, la pièce Cortayaca, c'est l'une des musiques les plus connues de Chiquinha Gonzaga. Puis on va mettre tout de suite une chose au clair avec les auditeurs, Catherine Veribilli. Je dis Cortayaca. Enfin, nous ne parlons portugais, ni vous ni moi. Et ça va être comme ça. Donc on va le dire. On va casser notre portugais. Voilà, on va le dire à la française. Oui, on va le dire ça. Comme on le peut, en fait. Ben oui. Avant de parler de la vie qu'elle aura, de son parcours, un petit mot sur sa musique, parce que je le disais, cette chanson-là, cette pièce-là, c'est une des plus connues de Chiquinha Gonzaga. Parlez-nous un peu de son style, de la musique qu'elle va faire tout au cours de sa vie. Moi, je retiens beaucoup son éclectisme, c'est-à-dire qu'elle écrit dans des styles très à la mode à l'époque, la valse, la polka, le tango, mais elle a ce désir de mêler la musique classique, donc d'inspiration européenne, à la musique populaire brésilienne, qui est elle-même un mélange d'influences africaines, portugaises, autochtones. Bref, elle ne les voit pas, ces barrières-là, entre les différents styles, et même elle s'amuse de ces jeux-là entre les différents styles. Et elle veut écrire une musique populaire dans tous les sens du terme. Et je vais citer en exemple son utilisation du violão, qui est une petite guitare brésilienne. Ouais. Là, imaginez une petite guitare de rue, finalement. Et au 19e siècle, au Brésil, il y a des instruments qui sont interdits dans les grandes salles, là où il y a la grande culture, parce que ces instruments-là sont synonymes de musique populaire et donc peut-être un petit peu indignes. Et c'est le cas du violão. Et Gonzaga, vous vous en doutez bien, elle s'en fout. Ouais. Elle va inclure l'instrument dans un concert présenté dans un haut lieu de la culture, le Théâtre impérial Saint-Pierre d'Alcantara, qui est le plus ancien théâtre de Rio. Ça va faire jaser. C'est une des façons dont elle va faire parler d'elle. Mais pour faire un parallèle, moi, j'ai cette image. C'est un peu comme si la musique à bouche et le rigodon entrent à la maison symphonique. Oui. Il y en a qui vont aimer ça. Il y en a qui vont détester, ouais. qui n'aimeront pas du tout. Donc, ça choque et ça fait plaisir tout à la fois. Mais c'est un bel exemple, je trouve, d'une artiste qui défie les conventions. Ouais. J'ai lu en préparant ce dossier plusieurs fois, d'ailleurs, que la musique, ça a été pour elle, évidemment, très jeune, elle va se mettre à la musique, elle aime la musique, mais c'est plus que ça, ça a donné pour elle une façon de gagner sa vie à un moment donné, d'éviter, c'est ce que je lisais, d'éviter carrément de se retrouver à faire de la prostitution, ouais. parce qu'à un moment donné, il y a vraiment pour elle une cassure qui fait que sa famille va la désavouer, qu'elle va carrément se retrouver à la rue. Ouais. Commençons peut-être par ça, par ce parcours assez particulier qu'elle a. Comment en arrivera-t-elle justement à se dire, écoutez, c'est la seule façon que j'ai de gagner ma vie, c'est la musique. C'est un début de vie dans les extrêmes, je dirais. Gonzaga, elle naît à Rio le 17 octobre 1847. Sa mère s'appelle Rosa Maria de Lima. Elle est une mestiza, donc une métisse d'origine européenne et autochtone. Son père, complètement autre chose, c'est le lieutenant José Gonzaga, qui est donc militaire, dans un milieu un peu plus aisé. Il va reconnaître la paternité de Chiquinha Gonzaga après sa naissance. Donc, on sent que c'était un enfant un peu illégitime. Le couple, finalement, se met ensemble, aura d'autres enfants. Mais il y a déjà cette espèce de dichotomie entre deux statuts de la société brésilienne. Mais Chiquinha va recevoir une bonne éducation parce que son père est militaire. Elle va apprendre des langues, elle va recevoir une formation musicale. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'elle a du talent. Mais cet élan-là vers la musique est freiné très rapidement. À 16 ans, elle est donc mariée de force par ses parents qui choisissent son mari, un homme d'affaires nommé Jacinto do Amaral, avec qui elle aura 3 enfants. Et là, son mari lui interdit de faire de la musique. Ouais. Et là, sa vie aurait pu prendre 2 chemins complètement différents. Elle aurait pu se résoudre à arrêter de faire de la musique. Mais elle décide que non. Elle dit, je vais quitter. C'est la musique ou c'est moi? C'est la musique ou c'est moi. Et elle dit, ben moi, j'y vais et je choisis la musique. Ouais. Et c'est une décision déterminante pour la suite de sa vie parce que ses parents la renient, la jettent à la rue, son mari aussi. On lui retire la garde de ses enfants à différents moments. Et pour survivre, elle décide donc de jouer du piano, d'aller dans des bars, dans des cafés. Elle va fonder des petits ensembles musicaux. Et c'est vrai qu'on peut supposer, au fond, que c'est ce qui lui a empêché finalement de tomber dans la prostitution parce qu'elle était vraiment littéralement à la rue. Et ça sera, dans son cas, le début de carrière, finalement, mais dans des circonstances assez particulières. Début de carrière, puis début de cette réputation, de ce symbole qu'elle va devenir, en fait. Et ça se passe assez vite. D'abord, il faut se replacer dans l'époque. Mais c'est le Brésil du 19e siècle. Elle décide de quitter son mari parce qu'elle veut continuer de faire de la musique, reniée par sa famille. Donc, la femme libre, la femme qui vit de manière très singulière pour l'époque. Et donc, très, très vite, Catherine Viribilli, le milieu artistique, la bohème brésilienne, appelons ça comme ça, va se reconnaître, va faire d'elle encore plus un symbole que ce qu'elle est vraiment. Elle donne aussi à cette image de bohème là, beaucoup d'éléments. Elle nourrit cette image-là. Je peux poursuivre encore en vous donnant des exemples. Après son premier mari, il y aura un autre homme dans sa vie avec qui elle va vivre en 1875, Juan Batista Carvalho. Elle aura un enfant. Elle va encore quitter homme et enfant. Et même si on poursuit avec cette image de femme libre, très sensuelle, vraiment tournée quand même, disons-le, vers une sexualité assez épanouie, elle est rendue dans la cinquantaine, elle est grand-mère et elle commence une relation avec un jeune homme de 17 ans à peine. Relation qu'elle va poursuivre par ailleurs jusqu'à sa mort à elle là, en 1935. Mais vous imaginez quand même la femme de 52 ans, grand-mère brésilienne qui sort avec le jeune homme de 17 ans, ça fait jaser. Et ironiquement, plus elle renonce à ce rôle traditionnel de femme au foyer, avec la famille et tout ça, plus sa carrière prend de l'ampleur parce que vous le disiez, elle devient un peu l'enfant chéri des milieux bohèmes et artistiques. On la croise dans dans les bars, on la croise dans les cabarets et elle obtient le soutien de plusieurs musiciens connus. Et c'est justement à cette époque-là qu'elle compose sa toute première œuvre, Atrayante, attirante. Alors déjà, le titre, ça nous donne un petit avant-goût. Donc, cette première musique de Gonzaga qui devient très, très vite un grand succès, Catherine Vérimille. Oui. Dès la première pièce, il faut le faire quand même. Ce n'est pas toujours le cas là, quand on publie une première partition. Dans son cas, ça fonctionne très rapidement. Cette partition-là, elle est rééditée une quinzaine de fois la première année. Et c'est un premier succès qui lui permet de vivre humblement de sa musique. Et c'est peut-être la petite poussée dont elle avait besoin pour poursuivre, finalement. À la même époque, elle publie d'autres pièces dans des styles très variés. Il y a une polka qui s'intitule Sultana qui va s'écouler à 2000 exemplaires, alors qu'une partition, nous dit-on, à l'époque, c'est peut-être une centaine d'exemplaires qu'on distribue. Alors, vraiment, il y a quelque chose qui marche, qui colle avec le public brésilien. Elle va aussi composer des complaintes, donc un style qui est d'abord réservé aux hommes. Elle dit, moi aussi, j'ai le droit de composer des complaintes. Et elle va commencer à s'intéresser à l'opérette. Il y aura quelques essais infructueux au départ, mais là où ça décolle, c'est quand elle coécrit une pièce qui s'intitule « Le tribunal du pays ». Elle va diriger elle-même l'ensemble quand la pièce sera jouée. Donc, première femme à diriger un ensemble un orchestre au Brésil, mais il y a aussi ces sujets très brésiliens, finalement. Il y en aura d'autres, La fille de Guedes en 1885. Encore une fois, elle compose, elle dirige, d'après le livret d'un auteur à succès, Augusto de Castro. Alors, vous voyez, ça fonctionne. Elle prend l'argent des publications, elle vit de son art, elle est populaire. Et pendant une quinzaine d'années, ça va faire que grandir ce succès-là. Au début du 20e siècle, 1902 à 1910, peut-être, elle fait une grande tournée en Europe. Donc, reconnaissance européenne, appréciée, Belgique, Italie, France, Portugal, Angleterre, elle fait à peu près tous les pays. Et elle va passer beaucoup de temps au Portugal, où on peut s'en douter, là, elle a quand même une affection particulière. Ouais. On parlait il y a quelques minutes du fait que cette musique-là, et que c'est vraiment pour elle, c'est un parti pris. C'est une femme engagée, on va y revenir aussi dans quelques minutes, mais sur le plan musical, son engagement, c'est de faire de la musique qui parle au peuple et qui parle du peuple. Vous nous en parlez il y a un instant, Catherine. Les opérettes, entre autres, les nombreuses musiques d'opérettes qu'elle va composer sont de très, très bons exemples de ce parti pris. Puis dans ses opérettes, il y en a une qui se démarque fort au bodo. Forró volta da amassada, gostoso como ele só. É tão bom como a cocada, é melhor que o pão de ló. Forró volta da amassada, gostoso como ele só. A zona tá estragada. Meu Deus, que forró botó. Donc ça, c'est un bel exemple, Catherine Vérimille. Pourquoi ce qu'on entend, cet extrait de Foro Bodo, une des 77 musiques d'opérette que va composer Gonzaga, pourquoi c'est représentatif de ce parti pris qu'elle a de faire un art et une musique véritablement populaire? Oui, et c'est sans doute un des aspects les plus intéressants de sa vie et de son œuvre. Donc une opérette, je vous rappelle, c'est quoi? C'est la rencontre entre le théâtre et la musique. C'est un peu, certains pourraient dire, l'ancêtre de la comédie musicale, mais il y a vraiment à la fois un propos et une musique. Et ça aussi, à l'époque de Gonzaga, au Brésil, c'était un monde qui explosait, là. Mais occupé par les hommes. Ah, ben oui. On ne pouvait pas être une femme et composer de l'opérette. Elle, elle dit, non seulement je vais le faire en tant que femme, mais je vais m'adresser au peuple. Elle va choisir des thématiques qui parlent aux gens. Entre autres, elle va aussi, si je parle du côté de la musique, elle va s'intéresser à des sonorités moins nobles, c'est-à-dire que ça sonne moins comme de la musique italienne, française ou espagnole, par exemple. Mais au niveau des textes, du contenu, vraiment, Foro Bodo, c'est un bon exemple. exemple. Alors, Fort Bodo, c'est le nom d'un cabaret en périphérie de Rio où des Afro-Brésiliens pauvres se donnent rendez-vous. Donc, c'est un lieu qui est connu. Elle s'en inspire pour créer des personnages avec ses collègues. Là, elle n'a pas écrit ça seule, mais quand même, c'est surtout elle qui porte ce projet-là. Alors, dans cette pièce, on parle de la mulata, la mulâtre, le mulatto, le mulâtre, le malandro, le vilain garçon. Il y a l'immigrant portugais, il y a la prostituée française. Donc, ce sont des archétypes qu'on n'a pas vus sur scène et qui n'ont pas été illustrés en musique jusqu'alors au Brésil. Et elle, Chiquinha Gonzaga, elle vit dans les milieux pauvres, dans les quartiers pauvres, comme d'autres musiciens qui vivent dans les quartiers riches, là, qui sont peut-être plus déconnectés. Elle, ce n'est pas le cas. Ouais. Elle les voit, ces gens-là. Elle vit avec eux. Et en plus de voir cette diversité, elle sent cette popularité grandissante pour le théâtre musical, pour les festivals de rue, pour les danses de quartier. Et c'est ce que sa musique exprime aussi. Ouais. Parler de danse de quartier, ça tombe bien parce qu'on va écouter une dernière musique de Chiquinha Gonzaga avant de terminer cette émission et qui reste peut-être sa pièce la plus connue. C'est une marche carnavalesque. On en parlait au tout début de l'émission. C'est encore aujourd'hui au Carnaval de Rio l'une des marches les plus reprises et ça s'appelle O Abre Alas. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce qu'on entend, cette pièce « O Abre Alas ». Commençons par le contexte dans lequel elle écrit cette pièce-là. Ah, et puis j'espère que ça fait du bien à nos auditeurs d'entendre musique pleine de soleil quand même. Il y en a peut-être aussi qui ont déjà participé, visité Rio pendant le temps du carnaval. Mais donc, pour comprendre l'importance de cette composition-là, il faut parler de l'histoire du carnaval au Brésil. Cette pièce, Les ailes ouvertes, là, si on fait la traduction, elle a été écrite en 1899. Et donc, le carnaval, cette action de se déguiser et faire la fête dans la rue, c'est une très, très vieille tradition. Elle n'a pas été inventée au Brésil, bien sûr, mais on la connaît beaucoup maintenant grâce au carnaval de Rio. Mais le carnaval tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était pas le même carnaval au début du 19e siècle. Entre autres, la danse ne fait pas partie des festivités comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui peut qui semble impensable, en fait, mais vraiment, c'est plus à partir de 1840 environ où on va apparaître ce qu'on appelle le bal de carnaval, des soirées dansantes tenues pendant le carnaval. Et sous l'influence européenne, bien sûr, on danse quoi? On danse la valse, on danse la polka. La samba, c'est plusieurs décennies plus tard, c'est en 1917-18 à peu près que la samba va arriver. Mais donc, dans cet intérêt grandissant pour la danse, on voit apparaître ce qu'on appelle des cordoes, des cordons. Ce sont des petits groupes de danseurs et de musiciens qui vont déambuler dans les rues et chaque cordon a sa couleur locale, défile pendant le carnaval, mais avec ce sentiment de fierté pour représenter le quartier, la rue, peu importe. Et vous l'aurez peut-être compris, les cordons, ce sont les ancêtres des écoles de samba que l'on voit défiler aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Chiquinha Gonzaga écrit « O Abre Alas », qui donc est destiné au cordon Rosas de Ouro, rose d'or. Et c'est une révolution pour plusieurs raisons. Je vous en cite deux. Tout d'abord, ce n'est ni une polka, ni une valse. Alors vraiment, on s'éloigne des traditions. C'est une marchina, une petite marche légère, festive, par opposition à la marche militaire, qui est très stricte, qui est très sérieuse. C'est un pied de nez, d'une certaine façon, la marche militaire. Exactement. C'est un pied de nez à la marche militaire. Et c'est une musique aussi qui est exclusivement composée pour le carnaval, pour le plaisir des danseurs dans la rue. Alors qu'avant, votre polka, votre valse, au fond, vous pouviez la ressortir à n'importe quel moment de l'année. Et c'était convenu qu'on pouvait la faire aussi pendant le temps du carnaval. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va ouvrir la voie un peu pour d'autres compositeurs. Les compositeurs vont se dire, ah ben tiens, on peut composer de la musique pour le carnaval. Alors, allons-y. Ça crée une espèce de pépinière de nouveaux talents. Et il y a même certains historiens de la musique qui poussent un peu plus loin en disant que c'est ce qui a mené finalement à l'âge d'or de la chanson brésilienne qu'on voit apparaître peut-être autour de 1929-1930. Ce désir d'écrire pour le carnaval, ouais. ça vient de là. Et moi, j'ajouterais que c'est peut-être aussi une pièce féministe avant le mot un peu. Là. Quand on analyse les paroles, on peut y voir plusieurs sens. Si je traduis, là, faites place, je veux passer, déployez vos ailes, je veux passer, je suis une bohémienne, je ne peux le nier. Mmh. Donc déjà, l'emploi du « je », le « je » féminin ici, parce qu'elle dit qu'elle est bohémienne, mais le « nous », parce que c'est un chant de rassemblement aussi. Donc, les femmes, allez-y, ouvrez la voie, je veux passer. Vraiment, il y a un angle féministe assez intéressant ici. Qui est très représentatif de ce qu'elle est dans sa vie, cette femme libre, cette femme engagée, cette femme qui revendique d'abord le droit d'être qui elle est. Terminons là-dessus, sur ses engagements multiples, et évidemment, cette condition de femme qu'elle va défendre, très moderne, très libre. Mais il y a plus que ça. Elle va s'engager dans différents combats. Entre autres, le plus grand, c'est probablement celui de l'abolitionnisme, quand on parle d'abolir l'esclavagisme. Elle est à fond là-dedans. Oui, oui. Et puis, ça fait déjà beaucoup pour une seule femme, pour une seule vie, avec tout ce qu'on vient d'énoncer. Mais c'est pas tout. Elle est aussi une femme militante. Elle veut changer les choses de deux façons, je vous dirais. Il y a tout d'abord ce combat, donc, pour l'abolition de l'esclavagisme au Brésil. En 88, par exemple, elle fait carrément ce qu'on pourrait appeler du porte-à-porte pour vendre ses propres partitions, pour ramasser des sous, pour faire libérer un ami. Elle va aussi... il y a cette anecdote là, où elle va passer le balai dans un théâtre. Même chose pour renflouer les coffres d'organismes qui soutiennent les gens victimes de l'esclavagisme. Alors vraiment, elle prend la parole aussi. On a peu de traces de ça, mais on sait qu'elle prenait la parole dans des assemblées. Alors, encore une fois, elle veut dire, elle veut changer les choses. Et je vais terminer en vous parlant aussi de son autre cause, peut-être, c'est celle du droit d'auteur. Ouais. La notion de droit d'auteur, elle est assez récente quand même, mais il y a eu des efforts au cours des 100-150 dernières années quand même pour changer les choses. Et c'est le cas au Brésil avec cette démarche de Chiquinha Gonzaga qui constate que les œuvres des auteurs de théâtre et des compositeurs aussi sont souvent utilisées sans leur autorisation, sans rémunération. Et elle, ça la met en colère. Elle réalise qu'elle a perdu beaucoup d'argent pour cette raison-là. Et on est vraiment plus tard dans sa vie quand même, mais en septembre 1917, elle fonde avec quelques collègues la SBAT, la Société brésilienne pour les auteurs de théâtre, qui est un organisme qui existe encore aujourd'hui. Première association qui protège les droits des auteurs de pièces et de partitions pour le théâtre. Et Gonzaga, à l'époque, s'attaque à un système qui est bien huilé, qui favorise qui? Les éditeurs, d'abord et avant tout. Et elle dit non, les artistes, on doit aller chercher notre part du gâteau. Et ce qui est dommage, c'est que je vous le disais, là, c'est une association qui existe encore aujourd'hui. Les bureaux sont à Rio et c'est là qu'on a conservé la plupart des archives de Chiquinha Gonzaga. Mais ces archives, malheureusement, sont en piteux état. Ouais. Explique sans doute là, qu'on a de la difficulté à faire jouer sa musique. Catherine Viribilli, merci infiniment de nous avoir fait si brillamment découvrir Chiquinha Gonzaga. Merci. Plaisir, à bientôt. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.